d'anciennes coïncidences sont perdues en chemin. Je me suis confiée à toi, et toi tu ne me remercies pas. Et toi tu n'as pas la force de redonner vie à notre histoire. En effet, tu m'as pris mon air de façon foudroyante.